Paris Colmar, de Nicolas Mathieu. Adaptation, Jean-Mathieu Zandre. C'est cette ville qui fait de la lumière au cœur de là-bas. Il y a des cabanes en bois et des enfants qui pleurent parce qu'il faut descendre du manège. La température est passée sous zéro. Pour se réchauffer, on marche en se tenant par le bras. Dans les petits chalets qui jettent sur les passants leurs froufrous électriques, on vend des bonnets de laine, des saucisses et des jouets de bois qui n'amusent que les parents. Des bijoux artisanaux et du vin chaud. Le juge était là pour le vin chaud. En allumant sa 15e gitane dont il avait arraché le filtre, il se dit qu'il ferait aussi bien de reprendre un verre. Personne ne l'attendait et le frigo chez lui était vide. Il était seul, un manurin dans la poche. S'il vous plaît. Une spellette. Sa voix était limoneuse, brune. Dans son visage plat, la pupille flambait entre une paupière paresseuse, un cerne lourd. On aurait dit l'éclat d'une bougie à travers une meurtrière. Le commerçant, un jeune type aux airs de randonneur, puisa dans la grosse gamelle de fer blanc d'où montaient des senteurs de cannelle et de fruits rouges. Je le mets sur votre note ? Oui, c'est ça. On ne va scope nord là-dessus ? Rien, merci. Sa lourde silhouette était prise dans un par-dessus laine et cachemire qui n'était plus si confortable. Sur ses doigts, dans sa barbe, la nicotine avait tracé des sillons jaunes. Il en était à 3 paquets par jour. Lorsqu'il bossait à l'antiterrorisme, il en fumait 4. Cela dit, il picolait moins en ce temps-là. Il leva son godet et les autres buveurs qui étaient accoudés au comptoir en lambris firent de même. « Vous fumez trop », lui disait Simone Kléber. Avec ce regard de chien andalou, le globe oculaire comme un œuf. Elle était sortie de prison maintenant. Toute cette affaire était vieille de plus de 25 ans. Qu'elle ait tronçonné son mari ou pas, n'avait plus la moindre importance. Quand le juge pensait à ses poumons, en parfait état malgré tout, le médecin lui-même n'en revenait pas, sa mélancolie redoublait. C'est pas humain de s'emmerder à ce point-là. Heureusement, la période des fêtes lui convenait assez. Il contemplait le trop-plein à distance, calfeutré d'alcool. Il toussa dans son poing fermé. Entre ses gros doigts, sa clope n'avait l'air de rien. Il la porta à sa bouche et plissa les yeux. Sirotant sans rien dire, il tripotait distraitement le revolver qui ne le quittait plus guère depuis qu'on lui avait retiré sa protection policière. Dans son autre poche, son portable se mit à vibrer. C'était sa sœur. Elle lui envoyait un message pour qu'il n'oublie pas le vin. Il avait oublié, justement. Il paya sa note et se mit en route après avoir salué à la cantonade. Les autres l'avaient reconnu et, dans son dos, ils se souvinrent de Simone Kléber et de son mari morcelé. Messieurs, dames, bon réveillon. Vous assis. Merci, monsieur. Au revoir. Monsieur le juge. Fit ironiquement le type roux derrière la caisse enregistreuse. Vous êtes venu pour les fêtes ? Le juge n'était pas rentré à Colmar depuis un an, mais s'il avait un copain, c'était bien le caviste. Ce dernier, qui avait fini de s'occuper d'un jeune couple à poussette avec une carte gold, lui demanda ce qui lui ferait plaisir. Je réveillonne chez ma frangine. Oh, merde. Ouais. T'es pour accompagner quoi? Bah écoute, je sais pas trop. Mets-moi du rouge et du champagne. Je te fais porter ça dans la voiture si tu veux. Ouais, tiens, ça m'évitera de me casser la gueule dans les escaliers. Le caviste et le juge partageaient le même parking souterrain, et l'impressionnante Mercedes 500E du juge, un paquebot gris métallisé avec de jolis petits essuie-glaces devant les phares, n'était que rarement fermée à clé. Tiens, mets-moi une bouteille de ton truc, là. Le juge désignait méprisamment l'étagère des Hailey, où le caviste choisit un Laphroaig de 15 ans d'âge. Cadeau. Le juge sourit en prenant la bouteille. Joyeux Noël, fröhliches Weihnacht. C'est ça, oui. Et souhaite-moi bonne année tant que t'y es. Après avoir monté ces trois étages, le juge entra chez lui. Il avait acheté cet appartement pour 350 000 balles, sans marchander. Ce sont les fenêtres en plein cintre qui l'avaient convaincu. Il y en avait partout, hautes de 2 mètres et sans vis-à-vis pour la plupart. Une fois son manteau accroché à la patère, il erra un moment dans les pièces sonores où des cartons s'empilaient dans les coins. Il trouva un verre dans la cuisine, et puis se rendit dans sa chambre où il se laissa tomber sur le lit. 2 heures plus tard, il se réveilla la bouche pâteuse, le crâne douloureux. Merde, il était à la bourre. En plus, sa frangine avait invité le curé de la paroisse. Elle était comme ça, sa frangine. La 35 en direction de Mulhouse s'allongeait à perte de vue, fluviale, sans éclairage. Il était 21h et la Mercedes voguait à une vitesse avoisinant les 100 km/h. Le juge écoutait la symphonie Leningrad à la radio, somnolent à demi. Curieux programme pour un soir de réveillon. Il venait de prendre la sortie 19 quand son regard fut attiré par 2 phares aux cernes mauves qui enflaient dans son rétro. Très vite, la lumière prit toute la place, si bien qu'il dut incliner la tête pour ne pas être totalement aveuglé. Il ne pouvait pas distinguer le véhicule ni ses occupants. Il n'y avait que ce ronflement sourd sous un capot qui le collait. Il décéléra pour voir. Le véhicule derrière lui ralentit à son tour avant de mettre les pleins phares. Le juge se dit « ça y est, c'est maintenant ». Il tira le manurin de sa poche et le posa sur ses genoux. 6 coups, calibre 38 spécial. On lui avait tout de même accordé ça, au cas où. Depuis qu'il avait dirigé l'instruction ouverte après l'assassinat du préfet, il recevait des courriers. À Propriano, Bastia, et jusque dans ces villages où il ne restait rien que 2 papis édentés et un berger à demi-fou, des murs portaient son nom et des menaces de mort. La veuve Salapieri avait promis, et les Corses n'ont qu'une parole. Voilà, ça arrivait. Il avait peur. Il était presque soulagé. Il réduisit encore sa vitesse jusqu'à 50 km/h. L'autre véhicule le dépassa dans un barrissement denté avant de s'arrêter en travers de la route, 20 mètres plus loin. C'était une Honda Prélude, sans plaque d'immatriculation, peinte en orange forain, avec des jantes de 18 pouces. Assurément pas le genre des Corses. Le juge immobilisa la Mercedes et lâcha le revolver pour engager la marche arrière, mais un type énorme jaillissait déjà de la Prélude. Malgré les warnings qui clignotaient, le juge vit qu'il tenait une arme, un fusil de chasse maroquí à canon superposé. Il mit le juge en joue et ce dernier renonça aussitôt à sa manœuvre. L'homme au fusil portait un masque anti-poussière, un blouson avec une doublure orange, des bretelles et un t-shirt Brigitte Bopp. Il fallut quelques instants au juge pour déchiffrer cette mention que déformait l'énorme panse de son agresseur. Tes mains ! Je veux voir tes mains ! Comme le juge hésitait, le gros se précipita, grimpant avec une grâce surprenante sur le capot de la Mercedes, avant de heurter le pare-brise avec le double canon du maroquí. bouge pas! Le juge leva les mains. On se calme, les gars, on se calme! Il transpirait. Dans sa poitrine, un nœud de la taille d'un poing se serrait. Puis ce fut le conducteur de la Prélude qui déboula. Lui se planquait derrière un genre de masque chirurgical d'un gris douteux. Nettement plus fluet, un môme, la casquette vissée sur le crâne. Il se mit à déambuler en remontant son jean trop large. C'était une démarche ghetto d'un genre plutôt hésitant. Mène-toi ! Alors le môme se pressa un peu et vint ouvrir la portière du juge que le gros tenait toujours dans sa ligne de mire. Le capot de la Mercedes embouti sous son poids. Ton fric ! Le juge fouilla ses poches et tendit son portefeuille au môme qui l'inspecta sommairement avant de le laisser tomber sur la route, empochant 3 billets de 20 et 1 de 10. Et le reste ? J'ai rien d'autre. Avec une Mercedes ? Tu déconnes ou quoi ? Elle est de 1992, les gars. Et qu'est-ce qu'on fait ? Fouille-le ! Allez, laisse tomber, on se casse ! Fouille-le, je te dis ! Avec un soupir, le môme se mit à palper le juge et trouva tout de suite le revolver. Hé, c'est quoi ça ? Il tenait l'arme par le canon et la montrait au gros type qui murmura « Putain la vache ». Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On se casse ! Et ils refluèrent, pas très à l'aise, mais pas pressés non plus. On était chez eux, ça se voyait. Le juge était très emmerdé subitement. Il se souvenait d'un jeune flic du SRPJ de Strasbourg qui avait égaré son arme de service. Le pauvre type avait eu les pires emmerdements et essuyé les quolibets de ses collègues pendant les 10 années qui s'en étaient suivies. Attendez, attendez, c'est une arme de la police! Vous pouvez pas l'embarquer comme ça! Le gros ne prit même pas la peine de répondre, et le môme dit « Désolé, tout bas ». Sa silhouette, toute mal fichue, presque floue, avec ses épaules étroites et ce gros flingue qui lui pendait au bout du bras. C'est con, mais le juge fut presque peiné. Ils remontèrent à bord de la Prélude qui, après une élégante manœuvre pour se remettre dans le sens de la route, disparut en abandonnant 2 points rouges derrière elle. En y repensant, le juge se dit que ces 2 petits cons s'étaient montrés remarquablement polis. Johan descendit les 2 étages 4 à 4, comme tous les matins. Oh là là ! Fit sa grand-mère, qui ne supportait décidément pas le bruit, et encore moins de le voir débouler en slip dans sa cuisine. Le garçon l'embrassa à la volée, tandis qu'elle lui versait son café. Ah, c'est chaud. T'as l'air de bonne humeur, toi, de si beau matin. Le môme se laissa tomber sur sa chaise et se mit à boire son café, tout en surfant sur son portable, ses textos, ses mails, un tour sur Facebook, l'équipe.fr. Puis, sur Betclic, il misa 50 euros sur un match de tennis entre un tchèque inconnu au bataillon et une tête de série. Le match se déroulait au Brunei. La tête de série n'en avait rien à foutre, sûrement, d'autant qu'il y avait un open plus important la semaine suivante. Il paria donc sur le tchèque. C'est bon, moi ? Johan répondit d'un sourire à la vieille femme, qui portait une blouse en nylon fleuri d'où sortaient ses bras nus. Elle lui avait mis 4 sucres. Il fallait bien le gâter un peu. Le môme était content ce matin. En se levant, après avoir ouvert les volets, il avait compté les camions garés en face au resto-route. Il y en avait 7. C'était bon signe. Rollo le trouvait un peu débile avec toutes ses martingales. S'il y a 2 semis et 1 camion-citerne, ça veut dire que je vais sortir avec Virginia. La fille du prof de sport. Elle avait un idéogramme tatoué au creux des reins et des yeux noisettes. Johan la voyait quand il allait au bahut, c'est-à-dire pas tant que ça. Elle s'appelait Virginia à cause du tabac que fumait son père. Dans sa piole, parmi les posters de voitures qui montaient jusqu'au plafond, il y avait aussi des cartes postales de Cannes que lui écrivait sa mère. On voyait la Méditerranée, le casino et le palais des festivals. Un jour, il irait. Il faisait des économies. Dans le boîtier d'un vieux jeu Mario Bros, une pile de billets de 20 et de 50 euros prenait de l'épaisseur. Souvent, le soir, il les comptait. Il en était à 3250. Il irait à la mer et aussi au dentiste, parce que pour l'instant, il n'osait pas sourire devant Virginia. Le fric était la clé de tous ces problèmes. C'est tout le monde pareil, finalement. C'est pour ça qu'ils avaient eu l'idée de faire des tours sur l'aire de Sainte-Croix, un coup qu'ils s'emmerdaient dans la chambre de Rollo un samedi après-midi. Ils venaient de fumer le premier pet de la journée et jouaient sans conviction au tennis sur la Wii. Ça ne durait jamais avec Rollo, qui suivait un régime strictement dénué de sport. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Avait donc demandé Johan en voyant le gros s'effondrer sur son clic-clac. L'autre avait haussé les épaules avant d'allumer la chaîne. C'était pas bon signe. Rollo était sujet à des coups de blues. Sans qu'on sache pourquoi, il se mettait à écouter des chansons tristes et ne disait plus rien des heures durant. Il engloutissait des balistos, des mars glacés ou des casse-dalles jambon cheddar tabasco et se mettait alors à déprimer de plus belle. Mais qui allait à Colmar? Ouais, bof. C'est toujours pareil. On joue à autre chose? Non, laisse tomber. C'est quand même ce qu'ils avaient fait pendant 5 heures. Incidemment, ils étaient passés du shit à la bière et finalement, Rollo avait sorti de la MDMA. En général, il se contentait d'en vendre. Ça lui donnait trop envie de baiser. Mais pour une fois, ça avait été l'entorse. Et si on allait faire un tour en bagnole? L'idée venait de Rollo, plutôt surprenant de sa part, sachant qu'il n'avait plus de permis et pas tellement plus de bagnole. C'est ce que Johan lui avait fait remarquer. J'ai la prélude. Non. Je te jure. Bah ouais, alors. Le propriétaire de la prélude n'était autre que le cousin de Rollo. Il venait de prendre 6 mois de tôle, c'était pas la première fois, on savait qu'il en sortirait. Il s'était juste fait choper dans son incroyable bagnole avec une savonnette de shit et des manches de pioche cloutées aux abords de Schiltigheim. D'ailleurs, la plupart de ses emmerdes venaient de cette caisse, belle comme une cuisine équipée, avec son intérieur de cuir blanc et des enceintes qui pouvaient lâcher jusqu'à 156 décibels. Elle lui coûtait un rein, lui valait des jalousies dans tout le canton et attirait fatalement l'intérêt des keufs qui devinaient sous le tape à l'œil la petite frappe imprudente. En quittant l'appart, Rollo, qui ne se tenait plus, ouvrit le placard de l'entrée et saisit le maroquis à canon superposé. Hé, qu'est-ce que tu fous ? T'inquiète, on va tirer un peu dans les bois. Et il mit en joue la kitchenette au fond du couloir, feignant de lâcher 2 chevrotines dans le micro-ondes. Ils ne tirèrent pas finalement, se laissant hypnotiser par le défilement des routes départementales. À un moment, Rollo s'arrêta pour pisser et Johan eut le droit de reprendre le volant. Ils dérivèrent jusqu'à l'autoroute A35, puis finirent sur l'aire de Sainte-Croix. Les routiers venaient là se faire sucer par des Bulgares, des Roumaines, des filles frigorifiées aux cheveux filasses, qui attendaient dans des camionnettes aux fenêtres condamnées par des panneaux en contreplaqué. À moins qu'ils ne se débrouillent avec d'autres types. Agents commerciaux, mécanos de SAV, responsables marketing, caristes ou web designers qui venaient là pour un coming out clandestin. Dans les bois, on retrouvait des capotes, des rouleaux de PQ, des magazines et parfois un caleçon ruiné d'excréments. La prélude passait au ralenti sur un morceau de Springsteen, un remix suraigu. Une lumière sévère tombait de quelques lampadaires. Il y avait des semis, une camionnette d'Arty qu'on voyait souvent dans le coin, et puis des petites caisses genre Twingo, Fiesta et 206. Rollo avait ouvert sa fenêtre et pointé le fusil, faisant comme s'il dégommait des types. Tout se déroulait dans une lenteur de rêve. Et à ce moment-là, un routier qui descendait de son camion, un rebeu avec des crocs, avait levé les mains en l'air. Alors, Johan et Rollo lui avaient tiré son portefeuille. 250 euros, une bonne surprise. Ils avaient refait le coup. Personne n'avait rien à foutre là, de toute façon. Les victimes n'iraient certainement pas se plaindre. Le grand-père sortit des toilettes et les rejoignit dans la cuisine, son journal sous le bras. Johan jouait à Candy Crush en finissant son petit-déj. Salut, Pépé. Le vieil homme n'entendit même pas. Incrédule, ému, il secouait la tête. Depuis qu'ils avaient décidé de fusionner l'Alsace avec la Lorraine et la Champagne, il se perdait en conjectures. Dans le journal, on accordait beaucoup de place à ce naufrage annoncé. La grand-mère confirmait la gravité des faits par des hochements de tête significatifs. Un monde finissait. Et on le savait bien, le métissage n'avait jamais rien donné de bon. Les Lorrains, les Champenois, des Français de l'intérieur. La grand-mère mit la radio pour remonter le moral des troupes. Philippe Châtel chantait « Je t'aime bien Lily ». Johan enfourna sa deuxième tartine et se cavala dans les escaliers. Bah, et l'école ? C'est samedi, bébé. Johan avait encore moins de raisons que d'habitude d'aller au bahut. Il fila sous la douche, puis dans sa piole où il s'habilla. Avant de prier, il prit soin de glisser le manurin dans son jean. Alors, il s'agenouilla pour dire ses trois Notre Père. Il le faisait chaque matin et tous les soirs, à moins d'être trop défoncé. Il priait pour les vieux, pour sa mère. Amen. En enfourchant son scout, Johan ressentit une vive douleur au creux des reins. C'était pas possible. Comment faisaient les mecs dans les films ? Il rangea finalement le flingue dans la poche de son manteau, mit le contact et fit chauffer le moteur à longs coups d'accélérateur. Des types qui se trouvaient sur le parking en face se retournèrent et lui firent signe. Salut les gars. Il les salua, fit un demi-tour dérapage dans le gravier et partit comme une flèche dans une longue plainte suraiguë. Comme il n'avait rien de spécial à faire, il tourna sans but. Rollo devait l'attendre, il reculait le moment. Depuis qu'ils avaient trouvé le revolver, il se demandait si c'était bien prudent finalement, toutes ces histoires. Bientôt, il fit un arrêt au garage des Herzdecker sur la D418 pour faire le plein. Ça ne ressemblait pas vraiment à un garage, une guitoune en préfabriqué, un toit de béton pour protéger deux pompes qui ne prenaient pas la carte bleue, et derrière, un bâtiment en dur pour les réparations. Le fils Herzdecker en sortait justement. Il tenait des bidons de métal et lui fit signe de la tête. Gates ? Johan, qui remplissait son réservoir, lui répondit que ça allait. Kommst du abends ? Tu viens ce soir ? Je sais pas encore. Eric sera là. Et alors ? Il y aura Virginia sûrement. Ouais. Bah si tu le dis. Dans un parking à deux bornes de là, près d'un Leclerc abandonné, on se retrouvait le week-end pour boire des bières. Il y avait des braseros. Des types faisaient des dérapages. On flirtait sous les étoiles qui pointaient dans un ciel que jamais la lumière des villes ne rattrapait. Après ça, Johan chercha quoi faire. Il alla dans les bois et fit semblant de tirer avec son 38. Il n'osait pas tirer pour de bon. Le bruit. Et puis, quelque part, la trouille que le truc ne lui explose au visage. Avec Rollo, oui, mais tout seul, il n'osait pas. Il brûla presque tout son plein sur la départementale entre Ingersheim et Turkheim, penché sur son guidon, n'entrant dans les bourgs que pour en repartir aussitôt. Quand il en eut assez de faire de la vitesse, il alla faire un baby avec des copains qui traînaient toujours au pique-assiette. Il en profita pour prendre un croc et un coca. Il était engourdi, bien, on se moqua de ses oreilles toutes rouges. De temps en temps, il glissait une main dans la poche de son manteau. Alors, il fut 18h, et il se résigna à rejoindre Rollo. Energy diffusait Diamonds in the Sky, et par cette nuit de décembre, tubulaire et fourré, le son montait comme d'un orgue d'église. Rollo était au volant, et tous deux roulaient doucement, sans parler ni fumer, concentrés sur la musique. Là-bas, fit-il en pointant deux taches de lumière sur la route qui serpentait en contrebas. Il accéléra jusqu'à 80. Il leur fallut un peu moins d'une minute pour rattraper le véhicule qu'ils poursuivaient. Un Range Rover crotté, une vraie bagnole de chasseur. À l'intérieur, deux hommes bavardaient. Hey, ils sont peut-être armés. Mais non, vas-y. Johan hésitait. Il fit descendre la vitre de son côté, tandis que Rollo accélérait encore. Allez, magne. Arrivé à la hauteur du 4x4, Johan sortit à demi de la voiture, les bras tendus, le canon pointé vers la tête du chauffeur. Ce dernier tourna la tête et se retrouva nez à nez avec la gueule du Manurin. Aussitôt, il fit une embardée, manqua toucher la Prélude, et puis, après une seconde de flottement, il y eut un bruit aigu, une aspiration, et le Range Rover les laissa sur place. Les fils de pute. Ah, laisse tomber. Ces mecs sont pétés thunes, ça se voit direct. Mais le 4x4 prenait le large, plus véloce dans les montées, mieux adapté à la route sinueuse de ce coin qui était déjà le début des Vosges. Laisse tomber, je te dis. Putain. Toi, je ferais mieux de te ramener chez Mémé. Ils rentrèrent directement, et Rollo ne proposa pas à Johan de monter boire un coup ou quoi que ce soit. C'était samedi soir, pourtant. Donne-moi le flingue. Allez, c'est bon, arrête. Mais le gros fit ramène d'un geste de la main, et Johan dut s'exécuter. Ensuite, Rollo monta les marches et disparut dans l'immeuble. Johan regarda un moment la façade, la lumière de l'escalier, la silhouette de Rollo derrière les rideaux, l'halogène dans sa piole. Il hésitait. Aller sur le parking, essayer de voir Virginia. En même temps, si Eric était là. Il jeta un œil à son téléphone. Pas de texto, pas de mail. Un message privé sur Facebook, quand même. Il ouvrit Messenger. Je crois que j'ai malencontreusement égaré un calibre 38 de marque Manurin chez vous. Merci de me le rapporter toutes affaires cessantes, faute de quoi je me verrai dans l'obligation d'appeler la police. Pour l'anecdote, j'ai été magistrat pendant 25 ans. Cordialement. Le cœur de Johan faillit se retrouver par terre. En hâte, il tapa. C'est pas moi. C'était la première connerie qui lui était venue. C'était vraiment une connerie. Il vit que le juge pianotait à son tour. Alors, en capital, trois lettres s'inscrivirent sur l'écran. LOL. Le juge se gaussa. LOL. Il était assis dans son salon, en caleçon, chemise et chaussettes. Depuis qu'il avait commencé cette enquête, deux jours plus tôt, son mode de vie s'était réduit à peu de choses. Il ne sortait plus, mangeait des œufs au plat devant son ordinateur, fumait plus que jamais, et se cantonnait au Sancerre. Il lui fallait toute sa tête. Pour mener ses investigations, le juge était parti de cette voiture ahurissante dont il avait retrouvé la trace sur des blogs d'amateurs, pour aboutir finalement sur Facebook. Ces mômes posaient là avec la bagnole qu'ils utilisaient pour détrousser les automobilistes. Après quoi, le juge s'était perdu. D'un profil à l'autre, il avait découvert une nébuleuse insensée de gamins plus ou moins abrutis, tous motorisés, avec les cheveux à ras sur les côtés, et qui employaient un vocabulaire jusqu'alors inconnu. Il lui avait ainsi fallu plus d'une heure avant de comprendre le sens de « poser ». Sans cesse, ces mômes se photographiaient, à deux ou trois, en plongée. Les garçons le front plissé, souvent torse nu, les filles la bouche en cœur. Le juge devait bien reconnaître qu'au niveau abdominal, il aurait désormais eu de la peine à rivaliser avec ces jeunes gens. Et puis, cette coquetterie consistant à exhiber l'élastique de son slip le laissait tout à fait interloqué. Pour autant, ils reconnaissaient la singularité de leurs mœurs, les respectaient à demi, en ethnologue, pour ainsi dire. C'est ainsi qu'ils s'étaient abîmés dans l'étude de ces existences de surface, faites de voitures gonflées, de vidéos de free fight avec fractures ouvertes, de photos naïves de chats ou de nourrissons qui recueillaient 60 likes et de fumeurs de pète qui donnaient lieu en commentaire à des orgies de MDR. Sans compter les cascades, les poursuites sur l'autoroute, 12 minutes d'une Audi 80 V10 lancée à la poursuite d'une GSX R1000. La GoPro avait fait du monde un immense spectacle sans mise en scène. Et encore, des filles à grosses fesses, des smileys qui tirent la langue, des cœurs avec les doigts, des bagnoles encore, rouges, noires ou jaunes, Johann Bouchereau ne faisait pas exception. Comme tout le monde, il avait changé son profil au moment du massacre de Charlie Hebdo. Plus tard, il avait posté une vidéo de la Marseillaise sur fond de drapeau tricolore. Ses potes, eux, étaient allés plus loin. Un certain Rollo, notamment, se montrait très explicite quant aux mesures nécessaires pour remédier à la menace djihadiste. C'était lui, le gros au fusil. Le juge avait estimé plus judicieux de contacter Johann, qui lui paraissait plus malléable, plus intelligent aussi. Après avoir écrit LOL, le juge voulut enfoncer le clou. 500 euros de récompense. Et il donna imprudemment son adresse. Johann se déconnecta aussitôt. Le juge restait confiant, néanmoins. Au pire, il contacterait les flics. Il était ravi du tour que prenaient les choses. Constatant alors le bordel qui régnait chez lui, il résolut de ne pas y toucher et préféra filer dans la salle de bain pour prendre une douche, la première en 3 jours. Puis, il s'habilla pour sortir. 2 jours plus tard, le 31 décembre, le juge reçut un message. Dites à vos flics de partir. C'était Johann. Et le juge lui répondit illico. Quel flic ? Sur quoi il se précipita à sa fenêtre. Des gens passaient dans la rue en contrebas, rien d'anormal. Il fit néanmoins l'effort de mémoriser les voitures qui se trouvaient là. Johann ne se manifesta plus de la journée. Le juge passa le temps en bouquinant, non sans jeter de fréquents coups d'œil dans la rue. Il brûla comme ça 25 gitanes et but une demi-bouteille de blanc, ce qui restait raisonnable. À la nuit tombée, il ne restait que 3 voitures, identiques à celles recensées au matin. Le juge sortit faire des courses pour le réveillon. Il prit des lasagnes chez le traiteur et une bouteille de Valpolicella. Il avait envie de revoir Jeremiah Johnson, c'est ce qu'il fit, et la bouteille de rouge y passa. Avant de se coucher, il jeta un nouveau coup d'œil. Les 3 voitures étaient toujours là. Il demeura un moment à sa fenêtre en fumant une dernière cigarette. Du dehors, la pointe incandescente de sa clope faisait une cible facile. Le lendemain, les 3 voitures avaient disparu. Le juge maugréa et, tout en se grattant la barbe, se dirigea vers la cuisine. Il n'aimait pas toutes ces machines à friolantes qui prétendaient faire du café. Lui se servait toujours d'une vieille sèbe qui produisait un beau liquide marron et tachycardique. Il s'en prépara une pleine cafetière. Il entendit qu'on frappait à la porte. Il passa un peignoir et se dirigea vers l'entrée. Il était pieds nus, pas coiffé. Sur le seuil, Johann faisait le pied de grue. On était le premier de l'an. Bonjour. Il regardait ses pompes et tenait un sac plastique distendu par le poids du manurin. Le juge était enroué, il dut s'éclaircir la gorge avant de dire « Tu as bien fait de venir. » Johann se tenait de biais, prêt à battre en retraite dans les escaliers. Il tendit le sac au juge. Tu veux ton argent, j'imagine. Au loin, on entendait le roucoulement du café qui passe. Attends-moi. Et il se rendit dans son bureau pour ranger le flingue dans son secrétaire et prendre l'argent. Quand il revint, il trouva son visiteur qui jetait un œil à ses cartons. Ça va ? Tout se passe bien ? T'es à ton aise ? Vous venez de déménager ? On peut pas dire ça, non. Ça t'intéresse tant que ça ? Ils sont pas discrets, vos flics. Hein. De quel flic tu parles ? Le type dans la BM. La veille au soir, le juge avait bien noté la présence d'une BM parmi les voitures suspectes. Quel genre de type ? Je sais pas, cheveux noirs, blouson de cuir. Genre flic, quoi. Le juge recompta les billets et les tendit à Johann. Plutôt le genre corse, à mon avis. Il ne savait pas pourquoi il avait lâché ça. En tout cas, ça ne fit ni chaud ni froid à son hôte, qui continuait à reluquer dans les coins. À vous, là, tous ces bouquins ? Ouais. Eh ben, J'aurais pu te dénoncer à la police. Ouais. Ouais, je sais, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Comment ça? Avec ton copain, là, vous allez continuer vos conneries? Johan haussa les épaules, ça ne le touchait pas. Il se dirigeait maintenant vers la porte d'entrée. Attends. Je dois y aller. Qu'est-ce que tu comptes faire? Rien. Tu sais que ça pourrait vous envoyer en tôle pour des années. Et alors? Et alors? Tu vas faire ça toute ta vie? Et vous? Ce n'était pas spécialement brillant comme répartie, mais le juge resta planté là comme un con. Et sa physionomie devait avoir quelque chose d'alarmant parce que le garçon se figea, comme ces passants qui attendent sur un pont qu'un type se fout à l'eau. Alors le juge lui demanda s'il voulait prendre un jus, mais le môme fit non merci et empocha son fric avant de se cavaler. Le juge avança jusque sur le palier pour écouter la dégringolade dans les escaliers. Il resta un moment comme ça, songeur. Derrière la porte de son voisin de palier, on pouvait percevoir le bruit de la télé qui diffusait la marche de Radetzky. Le papier, s'il vous plaît. Johan jeta un coup d'œil à sa grand-mère assise du côté passager. Elle avait mis son beau manteau fourré malgré le temps splendide. La campagne s'étalait très loin, verte, avec ses reliefs moelleux piqués d'éclats de lumière. Monsieur, permis de conduire et papier du véhicule. Mais c'est la grand-mère qui lui tendit les papiers de l'AX et son permis de conduire. Elle revenait de Colmar avec Johan pour une visite au cardiologue. La pile était usée, il faudrait la changer bientôt. Le docteur s'était amusé à déconnecter l'engin et Johan avait vu la grand-mère blêmir d'un coup et s'affaisser sur la table d'examen. C'est mon petit-fils, on revient du cardiologue. D'accord, mais je veux voir son permis. Johan soupira. Il aurait 16 ans dans un mois. Je peux plus rouler à cause de ma vue. C'est lui qui me conduit. Il est très prudent. Le gendarme s'était accoudé au toit de la voiture et obstruait toute la vue. Il avait des yeux gris très beaux. C'était perturbant vu les circonstances. Tes papiers? Johan lui présenta sa carte d'identité. Bon alors, je vous embarque. Dans la X, on trouva encore une bobine de fil de cuivre et pas mal de mégots de joint dans le cendrier. Quand on demanda à Johan s'il voulait prévenir quelqu'un, il donna le nom du juge. Dans le grand appartement baigné de lumière, le juge et Johan se tenaient côte à côte. Bon. Ouais. C'était juillet à Colmar. Partout des fleurs, des promeneurs. La ville sentait le propre. On n'y avait pas vu la pluie depuis 12 semaines. Les habitants étaient fiers de ce microclimat et n'hésitaient jamais à vous l'expliquer. La vallée et le vent, un ensoleillement digne de Toulouse, décidément, il y faisait bon vivre. Je te paye un café cette fois. Johan se laissa faire. Il était venu rendre le coup de main que le juge avait filé à sa famille. Repeindre le petit bureau et la salle de bain, retaper la bibliothèque qui flanchait. Le juge lui avait confié un double des clés et Johan avait fait la route tôt le matin pendant près de 2 semaines. Au début, ça lui avait moyennement plu. Et là, sa tasse de café à la main et ses 200 balles en poche, il était content finalement. Vous m'avez jamais dit, les Corses, qu'est-ce que c'était? J'ai instruit des affaires de terrorisme dans les années 90. À un moment, je me suis occupé d'Éric Salapieri. Ça te dit quelque chose? Apparemment pas. Salapieri était impliqué dans un assassinat. J'avais des écoutes, des empreintes et même un témoignage. Tout ce qu'il faut. Surtout, Salapieri était le beau-père de Malacosta qu'on recherchait pour l'assassinat du préfet. Le juge fit une pause pour s'assurer que Johan suivait. Enfin, j'ai fait mettre Salapieri en détention préventive à la prison de la santé. Il a chopé une hépatite et puis il a fait une dépression. Ses proches ont voulu que je le fasse transférer en Corse. Sa femme est venue, sa mère aussi, mais j'ai refusé. Putain. Je voulais Malacosta. Vous l'avez eu ? Non. Et le type malade ? Mais il est mort, pendant l'hiver, à Garches. Ah merde. Et du coup ? Le juge fit un petit geste circulaire de la main, fataliste. Ils sont dans l'air. Ils veulent vous buter ? Peut-être. Ah ouais, quand même. Quoi ? Ah, les mecs, ils lâchent pas l'affaire. Le bâtiment venait d'être refait à neuf. Agrandi, inauguré, aux normes, il portait avec une sobre grandeur les ambitions intercommunales. Autrefois couvent, il renfermait désormais le pôle médiaculture Edmond Gérard. Johann y flotta un moment en cherchant son chemin, puis il se dirigea vers le bureau d'une bibliothécaire. Chercher un bouquin. Jusque-là, vous êtes au bon endroit. Sur la mafia corse. Vous avez un titre précis ? Non. Et l'auteur ? Je sais pas. En rentrant de la médiathèque avec ses bouquins, Johann eut la surprise de trouver Rollo qui prenait le thé avec sa grand-mère. La pauvre vieille avait retiré sa blouse et Johann la soupçonna même d'avoir mis un peu de rouge. Ah bah teuf là ! Salut ! Salut ! Johann posa ses mains sur le dossier de la chaise libre. Rollo m'a tenu compagnie. Tu veux un peu de thé ? Non, c'est bon. Tu viens, on monte. Ok. Pendant que Rollo remerciait la vieille dame, Johann se précipita dans les escaliers, mais il n'eut pas le temps de vérifier que son fric était toujours en sécurité. L'autre était déjà là. C'est bien chez toi. C'est grand. Johann ne releva pas et se tint immobile, tandis que le gros inspectait sa piaule. Le mobilier confo, les murs couverts d'affiches, le tapis ruiné de trous de boulettes, l'écran plat. Il portait son survêt de l'équipe d'Angleterre, celui des grandes occasions. Alors ? Alors quoi ? Tu te planques ? Pourquoi je me planquerais ? Les deux garçons se regardaient comme des voyageurs assis dans des rames de métro stationnées côte à côte. Ce qui ne serait pas dit à ce moment-là, ne le serait plus jamais ensuite. Ça dura. Bon. Et les flingues ? Je l'ai plus. Comment ça ? Je l'ai vendu. Le gros était tout proche, maintenant. Johann pouvait même sentir l'odeur de la lessive sur ses vêtements. Tu mériterais que je te dérouille. Dans la lumière froide qui tombait du Vélux, le gros avait une physionomie étrange. Son visage manquait de traits, de limites. C'était comme un aplat de couleurs qui menaçait de couler. Et là-dedans, piqué profond, deux petits yeux noirs et mouillés. Johann se dit que Rollo avait des yeux, comme on dit que la colline a des yeux. En partant, le gros ne prit même pas la peine de le bousculer. Tu dois quand même bien avoir une idée. Non, pas tellement. Je sais pas moi, tu préfères le sport, le ciné ? Non, rien. Bon Dieu. Le juge commençait à s'impatienter. Il regarda le môme par-dessus ses demi-lunes et frappa deux fois de la pointe de son bic sur sa feuille quadrillée. La curiosité, l'intelligence, tout ça, c'est pas seulement des trucs de PD, comme tu dis. T'as le droit de t'intéresser aussi. Eh, je vous ai rien demandé, moi. Ah, ça ? Ouais, c'est bon, ça va. Johann fit mine de se lever, mais la pogne du juge se referma sur son biceps. Stop. Assis, on y retourne. Le salon était pris entre les hautes fenêtres et la lumière que ces dernières jetaient sur le mur. Sur le balcon, un vent net brusquait les géraniums. Depuis quelques minutes, le juge et le jeune homme s'employaient à falsifier le curriculum de ce dernier qui briguait son premier stage dans une boîte de com. C'était une idée du juge. La com, c'est bien. C'est comme la police. N'importe qui peut y arriver. Johan avait trouvé l'explication excellente. Le juge alluma une gitane et se leva pour se dégourdir les jambes. Il avait desserré sa ceinture et portait des savates en cuir. Comme il allait se poster à la fenêtre, le môme lui demanda s'il les avait revus. Qui ça ? Les Corses. Non. Est-ce qu'ils existent seulement ? Je me demandais, pour le préfet, ils ont utilisé un Beretta. Un de ceux qu'ils avaient piqué aux gendarmes. Eh ben, tu vois, il y a quand même des trucs qui t'intéressent. Et donc ? Ils en avaient deux, des Beretta. Oui. Ben alors, le deuxième, ils en ont fait quoi ? Un courant d'air passa par la fenêtre entrouverte et souleva les feuilles de papier sur la table. Johan les retint du plat de la main. Le juge ne savait pas. Le lendemain, le juge constata que la BM de cet hiver était revenue. En 97, des plastiquages avaient eu lieu à Strasbourg et Vichy. Ces gens savaient prendre un ferry. D'une manière un peu perverse, le juge espérait qu'ils avaient fait le déplacement pour lui. Dans un sens, un assassinat l'aurait vengé de cette mort à petit feu, décidée en haut lieu, exécutée d'un trait de plume dans un cabinet ministériel. La mise au rancard lavée par le sang. L'idée était plaisante. On sonna à la porte et, revenu à lui, le juge se dit qu'il déconnait quand même à plein tube. Il traversa l'appartement et, après avoir ouvert la porte, resta comme deux ronds de flanc. Tiens, tiens, tiens, qui voilà ? Johan, emmerdé comme c'est pas permis, était planté là avec, il fallait bien l'admettre, une fille. Jolie en plus. Bonjour. Bonjour. Entrez donc. Le juge s'effaça pour les faire entrer, et au passage, Johan lui fit des mimiques furtives. C'était compliqué, il lui expliquerait plus tard. En tout cas, il n'en menait pas large. Pendant ce temps, la jeune fille commençait à faire le tour du propriétaire, favorablement impressionnée à ce qu'il semblait. C'est qui ? Une copine. Eh ben bravo, elle est pas mal. Merci. Tu veux que je lui paie un coup ? Ah ouais, ouais, carrément. Le juge prépara donc du thé, et ils se posèrent dans le salon. Comme Johan, la première fois, la jeune fille s'enfonça très loin dans le fauteuil. Ils restèrent un moment comme ça, incertains, les sourires et les regards s'échangeant autour de la table basse dans un mélange de courtoisie et de sous-entendus. Vous êtes dans la même classe ? Comme Johan séchait les trois quarts du temps, ils ne trouvèrent rien à répondre. Bon. Après le thé, et comme Johan s'était apparemment beaucoup vanté des travaux réalisés dans l'appartement, une visite plus poussée s'imposa. La salle de bain, le petit bureau, et puis la chambre. Avant d'y rentrer, le juge constata que Johan ne les suivait plus. Il fut pris d'une hésitation, se sentant comme ces petits vieux qu'on dévalise, à qui l'on vend pour 5000 balles d'alarme et de vidéosurveillance alors qu'ils vivent dans la Creuse. Mais la jeune fille avait déjà poussé la porte et s'extasiait en bonne et due forme. Et vous avez lu tout ça ? Non, bien sûr. Johan aussi, il lit vachement. Ah oui ? Le grand lecteur les rejoignait justement. T'étais passé où ? Ça va, c'est bon, je peux pisser quand même. Ouais, mais enfin... La visite ne dura pas beaucoup plus longtemps. À la fin, le juge serra la main de la jeune fille, se retenant de lui faire la bise. Et votre nom, puisque Johan n'a pas cru bon de nous présenter. Virginia. Ah. Ouais, c'est le tabac que fume mon père. Puis les deux adolescents filèrent dans l'escalier, Johan faisant comprendre par des moulinets de la main qu'il s'expliquerait plus tard que c'était rien. Le juge se pressa vers la fenêtre pour les voir partir. Mais ils avaient dû prendre par derrière, parce qu'il ne les vit pas ressortir dans la rue. Dans le reflet que lui renvoyait la fenêtre, il constata son sourire. Il était quand même gonflé, ce petit con. Il est venu à plusieurs reprises et déteste cette ville. Colmar ressemble à ces films qu'il voyait gamin pendant les fêtes. Elle a cet aspect coquet, tyrolien. Et le genre de confort qui s'étale partout le débecte. C'est un homme plus très jeune, avec des cheveux noirs épais, des yeux écartés qui vous épient de loin, comme ces regards de voyeurs qui trouent les murs dans les bordels. Il a grandi dans une île et côtoyé toute sa vie les mêmes 20 personnes qui sont comme des frères. Quand ils se font arrêter, que l'État leur demande des comptes, à eux qui ont une terre, une langue et nul besoin de protection ni de loi, ces hommes répondent invariablement qu'ils n'ont rien à déclarer. Et c'est le cas. À force, les plasticages et les assassinats, le racket et les démonstrations de force s'exécutent en dehors de toute volonté. Les crimes résultent du climat, des liens d'amour, de haine, de parenté. Ils vont de soi. Cet homme aux cheveux noirs est assis à une terrasse de café quai de la Poissonnerie. Il fait beau, et dans un sac en papier posé à ses pieds se trouve un Beretta. C'est une arme élégante, vieille de presque 15 ans, qui est passée entre beaucoup de mains. L'homme finit son café, se lève en emportant le sac en papier. Le pistolet semi-automatique qui s'y trouve pèse 964 grammes. Il tire des balles de 9 mm par abellum. C'est une arme robuste, fiable, aux lignes précises. Dans le monde entier, des hommes qui représentent la loi ont tué avec cette arme d'autres hommes qui bafouent la loi. Et inversement. Elle remplit parfaitement sa fonction dans cet ordre des choses. Il a payé la somme exacte avant de quitter le café. Dans son dos, tandis qu'il s'enfonce dans la ville, un serveur vient ramasser le ticket, la tasse vide, passer un coup d'éponge. Il n'a rien remarqué de particulier. Et personne ne viendra l'interroger, quoi qu'il en soit. L'homme emprunte la rue des Écoles, puis sur sa droite, la Grand-Rue. Enfin, le voici dans la rue de l'Église. Il s'enfonce plus loin, vers l'ouest, jusqu'à l'angle de la rue Jean-Baptiste Florent et du boulevard du Champ-de-Mars. Il n'a pas pris de précautions particulières. Personne ne le suit, il le sait déjà. Sur l'interphone, il y a 8 noms et il sonne au premier. Une voix demande qui c'est. Il répond « c'est moi ». Et un petit bourdonnement électrique lui signale que la lourde porte de chêne s'est ouverte. Il monte jusqu'au deuxième étage, prend l'automatique dans le sac en papier, retire le chiffon doux qui l'emmaillotait et poursuit jusqu'au troisième, l'arme au poing. Arrivé devant la porte du juge, il sonne. Il attend quelques minutes avant de percevoir des bruits de pas. Puis une pause. À présent, tout devient une question de vitesse. L'homme ne l'ignore pas. Qui est-ce ? La question a jailli de l'autre côté de la porte. L'homme et la question ne sont distants que de quelques centimètres, séparés par une porte blindée. L'homme recule d'un pas, pointe la gueule du Beretta droit devant lui, sa main gauche sous le chargeur, son bras droit tendu, et il tire à 4 reprises dans le Judas. Le juge rampe sur le parquet en soupirant très fort. Il cède de ses mains pour avancer. Sur son visage coule un épais voile de sang. Il ne sait pas encore si la blessure est mortelle. Il pense avoir entendu 4 coups de feu. Dans son esprit, quelques mots tournent en boucle. C'est rien, mon chéri. La tête, ça saigne toujours très fort. Il progresse en laissant de longues traînées rougeâtres derrière lui, que son peignoir et son ventre épongent à demi. Il n'y a plus le moindre bruit. S'il parvient à prendre son arme, il vivra. Et puis, une nouvelle explosion, qui cette fois n'a rien à voir avec les détonations précédentes. Il se relève, porte la main à sa tête, ça pisse. Mais il ne ressent pas la douleur. Un peu de confusion, tout au plus. Il se précipite dans son bureau, qu'il referme derrière lui. Sa respiration résonne dans sa poitrine. 40 ans de tabac brun, ça accroche et ça siffle. L'homme traverse l'appartement en quelques enjambées. Il tire à nouveau. Des éclats de bois, des échardes, du métal volent à travers la pièce. Le juge ouvre le tiroir de son secrétaire. Il est vide. Il n'y a rien. C'est tout. C'est une clairière. Quelque part coule un ruisseau. On peut l'entendre, ainsi que le pépiment des oiseaux. La nuit n'est pas partie très loin. Il reste une fraîcheur qui signale encore son passage. La nature se déplie. Elle est encore chiffonnée, avec, au bout des doigts, une sensation de mort qui s'efface. Jambes écartées, le buste droit, une paupière baissée, Johan prend le temps de lever son bras gauche dans la lumière piquante du petit matin. Hé, Virginia, regarde. Virginia est assise derrière lui, sur une souche. Tu pas tous les oiseaux quand même. Dans son poing, le jeune homme tient le manurin, qui aboie bientôt à 4 reprises. 4 coups nettement espacés. Johan n'a pas scié. Dans son épaule, une légère sensation d'engourdissement. Il reste ainsi, suspendu dans la perfection de son geste, planté comme un compas dans l'herbe acide qu'un peu de rosée fait encore briller. L'arbre qu'il a pris pour cible est debout, troué à hauteur d'homme. Le bras de Johan décrit un arc de cercle rapide qui ramène le revolver à hauteur de sa cuisse. Il y a cette odeur dans l'air. Dans les livres, on dit de la cordite. Il se tourne vers Virginia. Je progresse, t'as vu ? C'était Paris-Colmar de Nicolas Mathieu avec Éric Herson-Macarel, le narrateur, Hervé Furic, le juge, Thomas Agols, Johan, Henri-David Cohen, Rollo, Lynn Thibault, Virginia, Sophie Dole, la grand-mère, Mathias Young, le caviste, Catherine Tartarin, la bibliothécaire, Brice Hilleré, le fils Herzdecker, et Charlotte Campana, Guillaume Burstein, Samuel Charles, Sarah-Jeanne Driot, Guillaume Tabouriech, Leslie Menahem. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Équipe de réalisation, Bruno Mourlan, Mathieu Leroux, Félix Levaché et Jean-Mathieu Zande. Retrouvez sur la boutique en ligne du Monde la saison 4 des Petits Polars avec Le Monde et SNCF.